le paquet de gâteaux du dimanche matin. Des gâteaux séparés, bien sûr. Une religieuse au café, un Paris-Brest, deux tartes aux fraises, un millefeuille. À part pour un ou deux, on sait déjà à qui chacun est destiné. Mais quel sera celui en supplément pour les gourmands? On égrène les noms sans hâte. De l'autre côté du comptoir, la vendeuse, la pince à gâteau à la main, plonge avec soumission vers vos désirs. Elle ne manifeste même pas d'impatience quand elle doit changer de carton. Le millefeuille ne tient pas. C'est important ce carton plat, carré, aux bords arrondis, relevé. Il va constituer le socle solide d'un édifice fragile, au destin menacé. Ce sera tout ? Alors, la vendeuse engloutit le carton plat dans une pyramide de papier rose, bientôt nouée d'un ruban brun. Pendant l'échange de monnaie, on tient le paquet par en dessous. Mais dès la porte du magasin franchie, on le saisit par la ficelle et on l'écarte un peu du corps. C'est ainsi. Les gâteaux du dimanche sont apportés comme on tient un pendule. Sourciers des rites minuscules, on avance sans arrogance ni fausse modestie. Cette espèce de componction, de sérieux de roi mage, n'est-ce pas ridicule? Mais non! Si les trottoirs de Monaco ont goût de flânerie, la pyramide suspendue y est pour quelque chose, autant que ça et là quelques poireaux dépassant d'un cabas. Paquet de gâteaux à la main, on a la silhouette du professeur Tournesol, celle qu'il faut pour saluer l'effervescence d'après-messe et les bouffées de PMU, de café, de tabac. Petit dimanche de famille, petit dimanche d'autrefois, petit dimanche d'aujourd'hui. Le temps balance en encensoir au bout d'une ficelle brune. Un peu de crème pâtissière a fait juste une tache en haut de la religieuse au café.